La Barcarolle interrompue par Henri Bachelin. Déjà très émue, mademoiselle Alexandrine de Lavaux le fut bien plus encore quand elle vit son cousin Théodule descendre, non pas du coupé de la diligence, mais de la banquette où il était assis derrière le conducteur. Il était coiffé d'un haut de forme, à bord plat, et portait des favoris. Son costume, c'était une redingote grise et un pantalon assez large, à carreaux noirs et blancs. Il fumait un gros cigare. Il était 9 heures du matin, le mercredi 23 septembre 1885, par temps clair, que l'automne nuançait de brouillard léger. Théodule se découvrit pour embrasser sa cousine. Elle estima qu'il sentait un peu trop le tabac. « Vous avez fait bon voyage, mon cousin, » dit-elle, pendant que le conducteur prenait sous la bâche tout un jeu de bagages qu'il passait à Hilaire et à Brigitte, deux unités humaines qui représentaient le vieux couple au service de la châtelaine. « Mais oui, ma cousine, voilà fort longtemps que je n'avais eu l'avantage de vous voir. Je ne me rappelle pas très bien, mais il me semble fort que ce fut une dizaine d'années avant la guerre. Comme 15 autres ont passé, je dirais que nous avons tous les deux vieilli de 25 ans. Si je ne constatais que l'âge n'a pas de prix sur vous. » Théodule est un cousin si éloigné qu'entre eux les liens de famille sont quasi fictifs. Gênée, elle ne sait comment dissimuler son embarras. Son père, mort en captivité depuis 8 ans orpheline de mère, elle s'est retranchée dans une solitude à quoi déjà son enfance l'avait préparée. Elle ne reprend contact avec la petite ville voisine, une lieue de distance, que les dimanches et jours de fête où elle va en voiture à la grand-messe. Personne ne vient la voir parce qu'elle tient tout le monde à distance. Quand la diligence fut partie, comme il traversait le parterre, « Votre château est bien tel que j'en avais conservé l'image, » dit-il. « Et votre mère, ma cousine, maman est morte, voilà 8 ans, » dit-il d'un ton qui lui fit comprendre qu'elle lui reprochait de l'ignorer. « Oh, ma cousine, pardonnez-moi. La vie à Paris est si compliquée. J'avais perdu tout contact avec la province. C'est à votre mère que j'avais écrit pour lui annoncer que j'allais prendre l'extrême liberté de me mettre ici au vert, comme un cheval fourbu. Si j'avais su que vous fussiez seul ici, je ne me serais pas permis de venir sans même attendre d'avoir une réponse. Vous n'en êtes pas moins le bienvenu, mon cousin. » Le petit déjeuner l'attendait dans une salle minuscule où mademoiselle Alexandrine prend tous ses repas depuis qu'elle est seule. Puis elle lui indiqua sa chambre au premier, la plus belle de toutes, qu'Hilaire et Brigitte ont remise en état. Depuis 15 ans, le château n'a reçu aucun hôte. Une heure après, Théodule se mit à sa disposition pour qu'elle lui fît faire le tour du propriétaire. Il s'extasia sur l'aménagement intérieur, sur la disposition des communs, sur le petit parc. Mademoiselle Alexandrine, qui n'avait jamais vécu dans la société des hommes, était d'autant plus dépaysée que le rythme habituel de sa vie était bouleversé et qu'elle n'avait pas coutume de parler aussi longtemps sans désemparer. Ils se retrouvèrent à table à midi. Pour elle, ce fut comme si un étranger était venu lui demander le pain et le sel. Rien ne l'attire vers cet homme qui s'est tenu si longtemps à l'écart. Cependant, il faisait l'éloge de la cuisine et des vins, tout en s'enquérant des alliances, des naissances, des morts, qui avaient pu se produire dans les diverses branches de la noble famille. Elle le renseigna avec distinction. Elle en conclut qu'elle ne déméritait pas de ses aïeux. Assez vite, elle éprouva moins de répugnance à parler à ce cousin, dont la seule présence ravivait en elle des souvenirs où il était pour peu de choses, certes. Du moins avec lui, sortait-elle de l'isolement et du silence. « Mais vous aussi, mon cousin, vous avez un château, si je ne me trompe. »« Hélas, ma cousine, je l'avais. Des revers de fortune m'ont obligé à le vendre, voilà 4 ans. » Il aurait dû ajouter, mais il s'en garda bien. « Ma cousine, je suis un osseur. À Paris, j'ai vécu de mes rentes et de dettes. Quand celles-ci ont été trop criardes, j'ai dû vendre. Il ne me restait que des capitaux et qui ont fondu comme neige au soleil de mars. Je n'ai plus que 2 000 francs en pièces d'or, et c'est pourquoi je suis venu me mettre au vert, en me disant que, si vous étiez encore assez riche, et que votre mère ne s'y opposa point, je pourrais vous épouser. » Or, vous m'avez appris qu'elle est morte. Cela ne dépend non plus que de vous. Il s'en faut que ces 35 ans la classe parmi les vieilles filles revêche. Un véritable étranger lui en donnerait 25, mais Théodule, quoiqu'il n'en ait que 42, fait figure de quinquagénaire. Quoi qu'il en soit, il se retrouve, comme les deux seuls survivants à leur connaissance, d'une famille qui a joué son rôle dans l'histoire d'humble canton. Si Mademoiselle Alexandrine a une cave encore bien fournie, c'est qu'elle boit très peu de vin. Théodule est moins abstème qu'elle. L'exemple qu'il lui donne l'entraîne si peu que ce soit, et ses pommettes se colorent de façon charmante. Elle est comme une naufragée qui se serait habituée à la solitude. Une autre tempête, qu'elle ignore, lui amène un compagnon. Si peu qu'il se soit vu jadis, quelques journées de suite, voilà un quart de siècle, c'en est assez, dans les circonstances présentes, pour que ces faibles liens prennent de l'ampleur et de la force. Servis le café et les liqueurs. Pardon, ma cousine. Ce matin, je vous ai abordé le cigare au doigt. L'odeur du tabac vous incommode, sans doute. Pas du tout, mon cousin. Fumez autant qu'il vous plaira. Elle se rappela que son père aussi brûlait, par le bon bout, beaucoup de cigares. Comme dans une hallucination, elle revit sous les traits de Théodule. Monsieur de Lavaux aussi portait des favoris. Émue, elle se laissa aller à de ces confidences, non pas totales ni intimes, qu'une fille peut faire à son père. Théodule avoua, pour sa part, qu'il en avait assez de vivre à Paris, que son rêve était de se fixer quelque part en province, qu'il lui restait, Dieu merci, une fortune suffisante pour y avoir bonne contenance et pour se lancer dans la politique. « C'était aussi le rêve de mon père, dit-elle. S'il n'était pas mort en captivité, je crois qu'il aurait été élu comme orléaniste. Je me le rappelle fort bien, ma cousine. Quel excellent homme et quelle intelligence !» D'ailleurs, il le disait tout à fait au hasard. Elle n'en fut pas moins touchée. L'image de son cousin, qu'elle avait sous les yeux, remplaçait le souvenir qu'elle gardait de son père. Tout entière, reprise par ses impressions d'adolescence. « Il faut, dit-elle, que je vous joue un air qu'il aimait beaucoup. » Il faisait un peu sombre dans le salon où elle le précéda. Elle souleva le couvercle d'un vieux piano qui par la caisse tenait du clavecin. « C'est le barcarolle d'Haïdée, mon cousin. Glisse, glisse aux mains gondoles sur le Florian d'azur. » Elle entonnait le second couplet quand elle sentit des lèvres sur sa nuque. Elle bondit, révoltée, les ailes de son père coupées net. Tout ce qu'elle put dire, ce fut « Oh, monsieur, monsieur, sortez d'ici !»« Mais, ma cousine, » dit-il d'un air piteux, « pardonnez-moi. Je n'ai pas à vous pardonner, monsieur. La diligence passe vers 4 heures. »« Sapristi, » se dit-il en gagnant sa chambre. Cette chambre où il ne coucherait pas. On fait des bêtises à tout âge. Je ne saurais m'y tromper. Elle n'a pas joué la comédie. Son indignation n'était pas feinte. Heureusement, tous ses bagages n'étaient pas défaits. Il regarda le parc, où il ne se promènerait plus, les terres qui jamais ne lui appartiendraient. Hilaire fut à ses ordres. Quand elle le sut prête à partir, elle se tint sur le perron aux yeux baissés. « Adieu, monsieur, » dit-elle, sans lui tendre la main. « Adieu, mademoiselle, » dit-il nu-tête, « et pardonnez-moi. » De ses fenêtres qui donnent sur la route, elle assista au départ. Ce qu'en pouvaient penser Hilaire et Brigitte et le conducteur, elle ne s'en préoccupait absolument pas. Elle était encore frémissante, quoique son émotion allât s'apaisant. Quand la diligence eut disparu, elle descendit au salon, se rappelant qu'elle avait laissé ouvert le piano et la partition. « Fi donc, se dit-elle, cet homme que j'avais oublié, qui se dit mon cousin, mais il paraît beaucoup plus vieux que moi. Mais il pourrait être mon oncle. » Je me suis montré un peu dur pour lui, peut-être, mais ça a été plus fort que moi. Pourtant, comme il me rappelait mon père. Elle ne ferma point sur le champ la partition, ni le piano. Elle reprit la barcarolle, les deux couplets et le refrain, à l'intention de M. de Lavaux, dont le double l'écoutait peut-être, avec la certitude mélancolique que lui, du moins, il ne l'interromprait pas. C'était la barcarolle interrompue par Henri Bachelin.